بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما je m'excuse pour le retard. Donc aujourd'hui nous allons rentrer dans الحديث الثالث. الحديث الثالث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظرة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أخرجه مسلم. Donc le hadith, le hadith متفق عليه, qui est celui qui est rapporté par Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما, où il dit: le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a été bâti sur cinq, c'est-à-dire cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a nulle divinité d'être adoré en dehors d'Allah, que Mohammed est le message d'Allah, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakah, de faire le hajj et du jeûne sixième de Ramadan. Naam. Donc ce hadith tourne autour de l'islam et de ses piliers. De là, dans le hadith de Jibril, nous ne sommes pas trop étalés sur ce qui concerne justement les cinq piliers de l'islam, comme dans la parole de Jibril lorsqu'il dit « Fa'akhbirni an al-islam » du fait que le hadith, qui, toutes ces choses-là, allaient être citées dans le hadith qui suivait. Donc il dit « Qawluhu buniya al-islamu ala khams » que l'islam a été bâti sur cinq. « Fi riwaya khamsa »« Qawluhu ala khams » خمس دعائم, c'est-à-dire cinq piliers. دعامة et ركن, c'est le même sens. Un ركن en islam, c'est un pilier. وقوله على خمسة أي أركان وأربعة مبنية على على ركن واحد وهو الشهادة. Donc que l'islam est basé sur cinq piliers, voyez, et que quatre de ces piliers sont eux-mêmes bâtis sur un seul, qui est l'attestation. La shahada, la ilaha illallah. La tasah as-salah. Wa la zakah. Wa la siyam. Wa la hajj. Wa la ghayruha min al-a'mal illa ba'd kalimat at-tawhid. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Sidqan wa ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc il dit qu'il n'y a ni salat, ni zakah, ni siyam, ni hajj, et toute autre action ou œuvre qui ne sont acceptées, si ce n'est après l'attestation. La shahada, la ilaha illallah, et que Mohammed est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec véracité et sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha bada'a biha, et c'est pour cela qu'il a débuté par cette parole-là, qu'il a débuté par citer l'attestation en premier. Wa hiya awwal wajib, et elle est la première obligation qui incombe à tout musulman. La première obligation, kalimat at-tawhid, shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. وَأَخِرْ وَجِبَ عَلَى الْعَبْدِ. Donc elle est sa première obligation et sa dernière obligation. Les hadiths ibn Abbas رضي الله عنه ou رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث متفق عليه. Donc comme cela est prouvé que la shahada et la première chose à laquelle on doit appeler le serviteur, c'est le hadith rapporté par Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen en tant que prédicateur. Il lui a dit: tu vas certes te rendre auprès d'un peuple des gens du livre, et que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le message d'Allah. الحديث متفق عليه. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Que Saïd al-Khudri rapporte du message d'Allah qu'il a dit: faites dire à vos morts, c'est-à-dire ceux qui sont sur le point de mourir, la shahada, la ilaha illallah. Ce qui confirme sa parole que la première obligation et la dernière obligation, c'est la shahada, pour entrer dans l'islam et de mourir dessus. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه دعوة المرسلين ما من نبي إلا يدعو إليها. Et qu'il s'agit là de l'appel de tous les envoyés, qu'il n'y ait pas de prophète sans qu'il y ait appelé. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager qui leur a dit adorez Allah et éloignez-vous des taghouts. Et il dit subhanahu wa ta'ala واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يدي ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. Il dit et rappelle-toi dans le sens et rappelle-toi le frère de Ad Houd lorsqu'il a averti son peuple à l'Arkof, alors que avant et auprès qu'avant de avant c'est-à-dire avant lui et après lui sont déjà venus des avertisseurs qui sont passés en disant adorez Allah n'adorez que Allah plutôt. Naam. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatba'u al-mushrikeena fi aswaqihim. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les mushrikeen dans leur marché et leur disait qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. Fa hadhihi al-kalimat min asbab al-falah. Cette parole est une cause de réussite. Qala alayhi salatu wa salam qad aflaha man aslam wa razaqa kafafan wa qanahu Allah bima ataahu. Comme le hadith, nous l'avons déjà pris dans le hadith de Jibril, qu'il a dit, certes a réussi celui qui s'est soumis et qui a été octroyé de ce qui lui suffit par Allah, tout en étant convaincu. وفضل لا إله إلا الله أدلتها كثيرة ألف فيها جماعة من أهل العلم كابن رجب وغيره وغيره. Et que le mérite, la vertu de l'attestation, la shahada la ilaha illallah, a énormément de preuves qui confirment cela. Et beaucoup de gens ont écrit sur le sujet, parmi les gens de science, comme parmi eux Ibn Rajab, et bien d'autres que lui. وَلَهَا رَكْنَانَ. Cette shahada a deux piliers. النَّفِي وَلِثْبَتْ. La négation et l'affirmation. لَا إِلَهَا نَفِيٌ لِأُلُوهِيَةِ دُونِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Lorsqu'on dit لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ, ou plutôt لَا إِلَهَا, cela renie toute autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite l'adoration. Et إِلَى اللَّهِ, si ce n'est Allah, isbat uluhiyati Allah subhanahu wa ta'ala wa laha thamaniyatu shurut nazzamuha ba'duhum. Donc illa Allah, si ce n'est Allah, car en vérité la traduction la plus proche en français serait pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là la partie si ce n'est Allah, c'est al-isbat, l'affirmation. Voyez l'affirmation. Que la divinité ne revient que Allah subhanahu wa ta'ala. Car il existe d'autres choses que Allah a nommées comme étant des divinités, mais celles-ci ne méritent nullement l'adoration. L'adoration est un droit strict qui revient que Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette shahada a huit conditions. Huit conditions. Là n'est pas le temps de se détailler sur les conditions et leurs preuves. Inch'Allah, des doulous ont déjà été mis sur le site par rapport à ça. Là juste nous les citons comme cela est venu dans le livre. Comme il y a l'ilm, la science. Wal yaqin, la certitude. Al ikhlas, la sincérité. Al sidq, la véracité. Al mahabba, l'amour. Al inqiyad, on pourrait dire comme la soumission. Le fait de se laisser mener par la chose. Wal qaboul, l'acceptation. Wal kufran, bima ubida min dunillah. Wal kufr, bima ubida min dunillah. Et le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette huitième condition, celle-ci, il y a un khilaf. Certains disent qu'il y en a sept, d'autres disent huit. Et la huitième est celle-ci. Le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. هَذِهِ شُرُوتُهَا مَأْخُذَةٌ مِنْ أَدِلَةِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ مَا مِنْ شَرْطٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ تُرَاجِعَ فِي ذِهْنِكَ الْمَصْدَرَيْنِ كِتَاب ابن رجب وكتاب حافظ حكمي معارج القبول رحمهم الله. Donc il dit, ces conditions sont toutes prises de preuves tirées du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas une condition sans qu'on ait à l'appui une preuve. Et il lui conseille de revenir à deux livres qui sont celui d'Ibn Rajab et celui de Hafiz al-Hakami, qui est Ma'arij al-Kaboul. Naam. Ensuite il dit, « Min fadliha, anna man ma'ata wa wa la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. » Et parmi les vertus, le mérite de cette parole, l'attestation, que celui qui meurt sans associer quoi que ce soit à Allah, rentrera au paradis. Comme dans le hadith d'Abu Sa'id, قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. Donc il dit, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah, qui n'est pas un serviteur qui ne rencontre Allah sans en douter, sans qu'il ne rentre au paradis. Akhraj au muslim. Et également le hadith de la carte, hadith al-bitaqa, qui est le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As. Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, Inna Allah azza wa jal yastakhlisu rajulan min ummati. رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي أيوة كتبتي الحافظون قال لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيحبط الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ذم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضره فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة قال فتاشت السجلات وثقلت البطاقة ويثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala fera venir un homme de ma communauté au devant de toutes les créations, le jour du jugement. Il lui sera propagé, c'est-à-dire de lui, des registres contenant ses mauvaises actions, 99 registres. Tous aussi longs que, comme on dirait, la longueur du regard. Là, jusque-là, le regard de l'homme s'étend. Ensuite, il lui sera dit, est-ce que tu nies quelque chose de ces registres? Est-ce que mes scribes, c'est-à-dire les anges qui écrivent les mauvaises actions, ont été injustes envers toi, il dira non au Seigneur. Alors il lui dira, est-ce que tu as une excuse ou une bonne action? Alors l'homme se taira. Et il dira non au Seigneur. Donc il lui sera dit, si, tu as certes auprès de nous une bonne action. Nulle injustice sur toi aujourd'hui. Alors il sera sorti une carte sur laquelle sera inscrite Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La shahada ou les shahadatan. Les deux attestations. Et il dira, ramenez-le, c'est-à-dire l'homme. Et il dira, ô Seigneur, mais que vaut cette carte à côté de tous ces registres? Il sera dit, aujourd'hui, nulle injustice pour toi. Alors là, les registres seront posés sur une plaque de la balance, et la bitaka, la carte, sur une autre plaque. Et celle-ci l'emportera sur les registres. Ce qui prouve la valeur de la shahada, ou plutôt des deux shahada. Qu'il n'y a rien qui soit plus haut en valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le fait d'attester qu'il n'y a que lui qui soit digne d'être adoré, et que Mohammed et son messager sont serviteurs. Qawluhu shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Donc la parole, l'attestation, qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed et son messager, ash-shahadatani mutalazimatani. Ces deux attestations sont accolées l'une à l'autre. L'une ne peut se passer de l'autre. Le fait d'attester qu'il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré, et que Mohammed est son messager et son serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa ana Muhammadan rasulullah. Fa idha fa'alu dhalika 'asabu minni dima'ahum. Donc il a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qui n'est pas de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Et que s'ils font cela, ils seront épargnés de moi, du moins leur sang, leur seront épargnés de moi. Et ce hadith viendra aussi dans l'Arba'in Nawawi par la suite, Inch'Allah. Dalla hadha ala annahu in shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, rasima damuhu wa maluhu illa fi haqq l'islam. Donc cela prouve que celui qui atteste, qui proclame ces deux attestations, que son sang et ses biens sont préservés, hormis dans le droit de l'islam. Car il y a des choses en islam que si jamais elles sont enfreintes, amènent à ce que le sang du serviteur soit rendu licite. Comme par exemple faire zina, La peine, la sentence, c'est la lapidation jusqu'à la mort. Et également, en islam, celui qui ne paye pas ses dettes, il revient au détenteur du pouvoir de prendre ses biens par la force. Donc là, à ce moment-là, ses biens ne sont plus préservés. Ou autre, dans d'autres cas. Bel yursamu irduhu illa bima khusifa bid dalil. Nous disons même que même son honneur est préservé, sauf ce qui est un dalil à l'appui qui prouve qu'on peut parler sur son honneur, de faire du riba. Et il y a six cas dans lesquels le riba est permis sur le musulman. Le kafir, lui, le riba, il y a juste mutlaqan. Il est permis de faire du riba sur le kafir, dans l'absolu. Mais le musulman, le riba, l'origine, est que cela n'est pas permis, sauf dans six cas. Le premier, al-mutazallim, celui qui a subi une injustice. Lorsqu'il s'en plaint, il est en droit de citer l'injuste. Il est fait, commis. Deuxièmement, mu'arrif, le fait de décrire une personne par une caractéristique qui lui est propre, connue pour cette personne-là, et que la personne accepte d'être nommée par la sorte, de la sorte. Comme le fait, par exemple, de dire al-arma, l'aveugle, et ainsi de suite. Muhadhir, la mise en garde, le fait de mettre en garde contre une personne de mal, un mubtadir, ou un fa'asiq, ou une personne qui peut nuire dans certains cas. Même dans le cas du mariage, par exemple, un homme veut se renseigner sur une femme ou une femme sur un homme, si elle demande auprès des gens qui le connaissent, ils sont en droit de décrire les défauts qu'ils connaissent de cette personne-là. Également, l'imozir fiskan, celui qui fait apparaître une perversité, celui qui commet des péchés ouvertement devant les gens, des choses graves, turpitudes, comme le fait de boire de l'alcool, ou le fait de faire zina, ou qui écoute de la musique, ou d'autres choses. Il le fait ouvertement devant tout le monde, celui-là, le riba à son encontre est permis, le fait de parler sur lui, par rapport à ses péchés, bien sûr. Et Moustaftin, le fait d'aller voir un savant, demander une fatwa sur un cas particulier, où il revient de nommer une personne pour une chose qu'elle aurait commise. Est-ce que j'ai le droit de faire telle chose? Ou quel est mon droit dans telle situation? Et ainsi de suite. Dans ces cas-là, il est permis de citer la personne. Et également, talab al-i'ana fi izalat munkar, le fait de demander de l'aide auprès d'une personne apte à éradiquer un mal. Par exemple, aller voir un gouverneur ou aller voir une personne qui a un haut rang, citer un cas avec une personne particulière pour faire partir ce mal. Dans ce cas-là, il est permis de nommer une personne et de faire du riba, comme on dit. نقلها السنعاني في سبل السلام وذكر النووي في رياض الصالحين. Donc Sanani dans Subul Salam, qui est un char de Bulugh al-Maram, cite ces conditions, les six, et Nawawi aussi dans Riyad al-Salihin, qu'on peut retrouver dans Bab Bayan Mayubah min al-Riba. Vous voyez, dans le chapitre où il est permis de faire de la médisance. Quand même. Wa qawluhu wa iqami as-salah, l'accomplissement de la salat. Al-maqsudu bi iqami as-salah ay ada as-salat al-mafruda. Le but visé en cela, c'est le fait d'accomplir la salat, c'est-à-dire celle qui est obligatoire. Les hadiths Talha ibn Ubaydillah قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النجد سائر الراس يسمع ذوي صوته لا يفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسال عن الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الى ان تتوى قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه فقال هل علي غيرها قال لا الى ان تتوى قال فادبر رجله وهو يقول والله لا ازيده على هذا ولا انقصه قال صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. Donc dans le hadith de Talha ibn Ubaydillah, il dit qu'un homme se rendit auprès du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم en parlant avec des paroles incompréhensibles, dur à comprendre. Jusqu'à ce qu'il se rapprocha, et soudain, on se rendit compte qu'en fait, il interrogeait à propos de l'islam. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, 5 salats de jour et de nuit, c'est-à-dire les obligations de l'islam. 5 salats de jour et de nuit. L'homme dit, est-ce qu'il y a autre chose sur moi? Le messager dit, non, à part les surrogatoires que tu fais de toi-même. C'est ce que tu fais de toi-même. Ensuite, il lui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, siyam Ramadan, le jeûne de Ramadan. L'homme lui dit, Est-ce qu'il a autre chose sur moi d'obligatoire? Il nous dit non. C'est-à-dire comme jeûne. À part ce que tu feras comme surérogatoire. Ensuite, le messager d'Allah lui cita Zaka. L'homme lui dit, est-ce qu'il y a autre chose qui m'est obligatoire, c'est-à-dire dans, comme Zaka? Il lui dit non, à part ce que tu feras par de ton plein gré, comme acte surrogatoire, c'est-à-dire comme Sadaka, comme Oumoun. Ensuite, l'homme s'en alla en disant, par Allah, je ne rajouterai rien, ni ne réduirai rien à cela. C'est-à-dire tout ce qui a été dit, je le ferai, sans ajouter ni réduire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, il a certes réussi s'il est véridique. Que cet homme a certes réussi s'il est véridique dans ce qu'il dit. Ce qui prouve qu'il a des obligations en islam et des choses surrogatoires. Les obligations, celui qui ne les applique pas encourt un châtiment. Et si jamais il les applique par obéissance à Allah, Inch'Allah les récompenser. S'il se tient ce qui lui est rendu obligatoire. Et les actes surrogatoires, eux, sont des choses qui sont rajoutées pour préserver ses obligations et prendre un surplus de récompense. Prendre un surplus de récompense. Naam. Et de là, les savants divergés sur certaines salates, dues à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khams salawat fil yawm wa layla. Donc eux, ils ont vu que ce hadith est une preuve que ces cinq seules salates sont les obligatoires sur le serviteur. Qu'il n'y en a pas d'autres. Vous voyez? Eux, par ce hadith, se sont basés du fait qu'il n'y a que cinq salates qui sont obligatoires. Par exemple, la salate tahiyat al-masjid, la salutation du masjid, ne la voit pas obligatoire se basant sur ce hadith. Mais ce hadith est un asl. Et il y a d'autres hadiths plus spécifiques qui stipulent des salats obligatoires comme celle-ci. Non, et cela est un autre sujet, Inch'Allah. Ensuite, il dit Fayna salat al-maskura fi hadith al-hadith raknun min arkan l'islam. Donc la salat qui est citée dans ce hadith est un pilier parmi les piliers de l'islam. Wal nawafil laysat min arkanihi. Et que les surrogatoires ne font pas partie des piliers. Il est un tarik al-nawafil yulam inda ahli al-ilm. والإمام أحمد يرى أن شهادته لا تقبل فكيف بمن يزاول المعاصي ويسير على الصغيرة ويتجرأ على الكبيرة. Donc il dit quoi? Que les surrogatoires ne font pas partie des piliers. Cependant, celui qui délaisse les actes surrogatoires est blâmable chez les gens de science. Et l'imam Ahmed, lui, voit que le témoignage de celui qui délaisse certains actes surrogatoires n'est pas accepté. Alors que dire de celui qui perdure et s'enfonce dans les péchés, qu'il persiste sur les petits péchés et qu'il ne se préserve pas des grands péchés. Et par rapport à cette parole de l'imam Ahmed, j'aimerais citer ce que Cheikh Othaymine a parlé dans son cher de Al-Ilm al-Usul. Il parle justement de cette parole de l'imam Ahmed par rapport au witr. Car l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, voit que celui qui délaisse le witr est une mauvaise personne et que son témoignage n'est pas accepté. Donc il dit فَإِنْ قُلْتَ بِمَا تُجِيبُ عَنْ قُلِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِمَنْ تَرَكَ صَلَاتِ الْوِتْرِ بِنَوْ رَجُلُ السُّوْ لَا تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَ. Donc il dit, que dis-tu? Que réponds-tu à propos de la parole de l'imam Ahmed, رَحِمَهُ اللَّهِ, qui dit que celui qui délaisse le witr est une mauvaise personne et que son témoignage n'est pas accepté. فَالْجَوَابَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ. Donc la réponse en cela vient de deux sortes. أولاً إما أن يقال إنه يؤخذ من هذا النص أن الإمام أحمد يرى وجوب الوتر كما في إحدى الروايتين وهو أحد الأقوال في المسألة لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه وإما بالعقوبة على تركه. Donc il dit, la première réponse qu'on pourrait donner, c'est qu'on pourrait prendre de cette parole-là que l'imam Ahmed voit que le witr est obligatoire. Il s'agit là d'une des paroles des gens de science sur le sujet. Il y a deux versions. Car l'obligation, comment elle s'est fait connaître? Soit par un texte qui stipule qu'elle est obligatoire, ou soit par un châtiment pour celui qui la délaisse. Ensuite, il dit, وَبِكَوْلِهِ أَنَّوْ يُصَوْفْ بِنُوْ رَجُلُ سُوْ وَلَا تُقْبَلْ شَهَادَتُوْ عَلَى يَدُوْ لَلْعُقُوبَ. Et que cette parole, pour l'imam Ahmed, qui le décrive comme étant une mauvaise personne, et que son témoignage n'est pas accepté, lui, cela est un texte de la parole de l'imam Ahmed, hein, bien sûr, pas un dalil shal'i. On déduit de la parole de l'imam Ahmed que lui voit l'obligation de la chose par rapport à aux dures paroles qui en découlent. Ensuite, la deuxième réponse, وَإِمَّا أَنْ يُقَلْ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدْ وَصَفَهُ بِنُوْ رَجُلُ السُّوْ وَكَذَلِكَ قَالَ لَيَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةً ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على تركه لأن في ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه ورهبته عن الخير لأن الوتر أقله ركعة واحدة لا ينبغي ولا يستغرق خمس دقائق من بين 24 ساعة مع تأكده فكيف يتركه الإنسان. Donc il dit dans le sens que l'imam Ahmed critique une personne qui ne fait pas le witr du fait que le witr, son minimum est une raka, une seule raka. Et que celle-ci ne prend pas plus de 5 minutes à la personne sur une journée de 24 heures. Cela est vraiment une chose minime. Donc comment une personne peut-elle se permettre de délaisser un si grand bien pour en si peu de temps ? هذا لا يكون إلا رجلا متهاونا. Et là, il ne s'agit que d'une personne négligente, une personne laxiste dans ses adorations. فكان الإمام أحمد يرى لتهاونه لا يستحق أن تقبل شهادته. Donc l'imam Ahmed voyait pour cette négligence et ce laxisme de cette personne que son témoignage ne mérite pas d'être accepté. وأنه رجل سوء, et qu'il est une mauvaise personne. لأن هذا الرعب عن هذا الخير الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أوتروا فإن الله وتر ويحب الوتر. Car celui qui délaisse un si grand bien au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites le witr, car Allah est un effet le witr, c'est-à-dire une salat impair, car Allah est impair et il aime le impair. » فَيْذَكُلْنَا بِهَذَا الْإِحْتِمَالِ الثَّانِي نَأْخُذْ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يُوَبَّخْ وَيُلَامْ عَلَى تَرْكِ الْمُسْتَحَبْ إِذَا كَانَ هَذَا التَّرْكُ يَدُلُّ عَلَى زُهْدِهِ فِي الْخَيْلِ وَرُهْبَتِهِ عَنْهُ. Donc il dit, en prenant cette hypothèse, la deuxième, on voit que la personne peut être blâmable du fait qu'elle délaisse un acte recommandé, que cela démontre sa négligence et son délaissement du bien. Et vous pouvez trouver cette parole-là dans la parole en page 56 du char de Sheikh Al-Utsaimin dans Usul fi 'Ilm al-Usul, dans l'édition Ibn Jawzi. Ensuite, il dit, Sheikh Yahya reprend en disant, وإقام الصلاة يجب أن يكون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'accomplissement de la salat doit se faire obligatoirement comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a dit صلوا كما رأيتموني أصلي. Faites la salat comme moi j'ai vu faire la salat. وفي الصحيحين من عن أبي هريرة جاء عن غيره في قصة المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Donc comme cela a été rapporté dans les deux authentiques selon Abu Huraira, dans l'histoire de celui qui ne savait pas accomplir la salat, que le prophète lui a dit, retourne et fais la salat, car tu n'as pas accompli, comme il se doit. Du fait que cet homme n'a pas respecté les piliers de la salat. Hey, ma kubilet salatuhu, wa ma yassahiha. Wa ma yassahiha. Wa misla hadi salat, allati ala ghayli huda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, latanha sahibaha anil fahsha wal munkar. Donc sa salat n'a pas été acceptée, elle n'est pas valide. Et une telle salat, c'est-à-dire celle qui n'est pas basée sur les rites enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle-ci n'empêche pas celui qui l'accomplit, cette salat ne le préserve pas des turpitudes et du blâmable. Comme le prouve la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, inna salat tanha anil fasha'i wal munkar, que cette salat empêche de tomber dans les turpitudes, dans les choses blâmables. Qalu as-salatu allati tanha anil fasha'i wal munkar التي يصليها العبد كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ما يمنع قبولها فشارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. Donc ils disent que la salat, celle qui empêche justement de tomber dans cette turpitude, c'est celle qui est accomplie comme l'a enseigné le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, et qu'il n'y a rien qui empêche qu'elle soit acceptée. Cependant, celui qui commet des turpitudes, مثلا celui qui boit de l'alcool par exemple, lui, sa salat n'est pas acceptée durant 40 jours. فَبَتَنَهَا وَصَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَ وَالْمُنْكَرْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. Donc celui-là, sa salat, ne le préserve pas des turpitudes et des blâmables durant cette période, des 40 jours. لِيَنَّهَا لَيْسَتْ مَقْبُولَةً, car celle-ci n'est pas acceptée. مَثَلًا كَذَلِكَ الْعَبْدُ اللَّابِقُ مَا تَنْهَى صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَ وَالْمُنْكَرْ. Que le serviteur, l'esclave fugitif, celui qui se sauve de son maître, sa salat ne le préserve pas des turpitudes et du blâmable. L'yana laisse pas kboula, car celle-ci n'est pas acceptée. Allazi yusalli ala ghayr tahara, ma tanahu salatu an al-fahsha wal munkar. L'yana laisse pas kboula. Et que celui qui accomplit la salat en état d'impureté, celle-ci ne l'empêche pas de tomber dans les turpitudes et le blâmable. Pourquoi ? Car celle-ci n'est pas acceptée. Car parmi les conditions de la salat, at-tahar. Même certains savants disent que celui qui fait la salat sans tahara, sans être en état de purification, cela peut être du kouf, de la moquerie envers la religion. Cela revient quoi à son intention ? Quoi qu'il en soit, c'est un grand péché. وَهَكَذَا مَنْ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرِ مَقْبُولَةٍ فَإِنَّهَا مَتَنَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Et que toute personne dont la salat n'est pas acceptée, pour une condition délaissée, ou pour des preuves qui démontrent que celle-ci n'est pas valable, sa salat à lui ne l'empêchera pas de tomber dans les turpitudes et le blâmable. الصَّلَاتُ الرَّكْنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. La salat est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ففرقوا بينهم في المضاجع. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, enseignez à vos enfants la salat lorsqu'ils ont 7 ans. Et frappez-les pour cette salat lorsqu'ils ont 10 ans. C'est-à-dire s'ils ne l'accomplissent pas, frappez-les pour cela. Et séparez-les dans le lieu de sommeil. Et là où ils dorment, séparez-les, les garçons des filles. Vous voyez, qui ne dorment pas ensemble. حتى الأبناء يضربون عليها وهم أبناء عشر. فهي واجبة على الرجال والنساء والجن والإنس والصغار والكبار ومن لم يبلغ فليست بواجبة عليه. Donc il dit que la salat est une obligation sur les hommes comme pour les femmes, pour les djinns comme pour les humains, pour les petits comme pour les grands, et que celui par contre qui n'a pas atteint qui n'est pas atteint la puberté, celle-ci ne lui est pas obligatoire. لكنه يعود عليها لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور. Cependant, il faut l'habituer depuis petit à accomplir sa salat, comme le prouve le hadith de Amr ibn Shu'aib, celui qui était cité précédemment. Du fait que l'enfant, on ne doit pas attendre qu'il atteigne l'âge d'une obligation pour lui imposer. Il faut lui préparer la route, la rendre la chose facile et le faire commencer auparavant. Comme ça, lorsqu'il rentre dans l'obligation, il est déjà habitué et la chose lui est facilitée et plus légère. Naam. فَسِغَارُ يُعَوَّدُونَ عَلَيْهَا حَتَى يَبْلُغُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ. Donc, les petits doivent être se faire habituer à la salat jusqu'à ce qu'il devienne pubère et qu'il fasse la salat. Wa fi hadith Jabir bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk aw al-kufr tarku as-salah. Qu'il a dit que entre l'homme et le shirk ou la mécréance, le délaissement de la salat. C'est-à-dire ce qui fait passer de l'homme de son islam au kufr, le fait qu'il délaisse la salat. Wa hadith Ibn Buraida al-ard alladhi baynana wa baynahum as-salah fa man taraka faqad kafar. Que le On va dire le pacte qui est entre nous et eux, c'est la salat. Et celui qui la délaisse a certes mécru. Celui qui la délaisse a certes mécru. Al awwal fi muslim wa thani sahih. Que le premier hadith est dans muslim et le deuxième est authentique. Wa qala Abdullah ibn Shaqiq annahum adraku an-nasa min as-sahaba la yarawna min al-amal tarkuhu kafara ghayr as-salah. Donc le fameux athar de Abdullah ibn Shaqiq où il dit qu'il a connu les prophètes les compagnons, et que ceux-ci ne voyaient pas un acte délaissé faisant tomber dans la mécréance si ce n'est le délaissement de la salat. Wa amrun khatirun jiddan ya ikhwan tarku as-salat ma huwa fi tark al-mu'anid faqat. Et dit que c'est une chose très dangereuse, périlleuse, le fait de délaisser la salat, et que cela ne concerne pas seulement celui qui la délaisse par obstination. Cela est plus large que ça. Ou munkir laha, ou celui qui la renie, celui qui voit qu'elle n'est pas obligatoire. Al jahid laha, et celui qui la délaisse, pareillement, jahid laha, celui qui la délaisse, qui voit comme le munkir laha, qu'elle n'est pas obligatoire. Law jahada adna min dhalika kafar, walakin al adilla amma yanbaghi an tumar an tamura ala ma hiya alayhi hatta walaw tarakaha wa laysa bijahid fa zawahir adil adillati tadullu ala kufrihi. Donc il dit que toutes les preuves, dans leur globalité, il faut les prendre comme elles sont venues, dans leur apparence. C'est-à-dire que celui qui délaisse sa salat, l'apparence de ses hadiths, prouve sa mécréance. On sait qu'il y a khilaf sur la mas'ala, vous voyez bien khilaf sur la mas'ala, cependant ce qui apparaît des preuves citées ici, qui est l'avis de Shayyaha, de bien d'autres savants, Shamukbil, et bien d'autres parmi eux, que celui qui délaisse sa salat, que ce soit par fainéantise, que ce soit par obstination, ou que ce soit qu'il avoue qu'elle n'est pas obligatoire, le jugement est le même pour eux et qui voient leur mécréance. Et c'est la parole qui paraît comme étant la plus juste. Naam. Fabi hadan aktafi On va se contenter de cela aujourd'hui. Et j'ai tardé, donc le dernier sera écourté. Je m'en excuse par la suite. On a cool, walhamdulillah, rabbil alamin.